changeur d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux, microphone, et Jean-Philippe Boisbriand fait le choix musical, fait la mise en onde, la réalisation, etc. Voilà, aujourd'hui une émission qui commence par du folk, il y aura même du Malicorne, oui, et du Pendragon, Alastair Roberts, puis ensuite on passe à la danse, avec danse traditionnelle de Catherine, il y aura du Aksak Maboul, diverses choses, et on termine avec la musique qui s'en va un peu dans le désert. Et pour faire ça, ben on y va maintenant. les angelines. Mettez la main au nid des œufs, que chaque main en prenne deux. Qui suis le porte-panier, je prendrai bien le nid entier. Si vous ne voulez rien nous donner, à la porte nous allons crier. Captured in the pond. gently across the sea, and with the wind love waves. And through my magic spying glass I see you far away, lonely on a dying shore, searching for the day. I will bring you snow white pearls taken from the sun, turn them into shining rings to place upon your hand. Oh, that I were where you are, that we were as one. But there are yet seven leagues to sail beneath the sun. Beckon a white gull with your eyes, let her wing to me. Turn into my albatross whose call is poetry. And let the message that she brings tell me of your heart. Shelter us beneath her wings until we next. and to another, who reckons his pain to be deeper and sweeter than others. I'm singing an honor song with all the love I can muster. Where once was a corn and it gladdened the Lord, now there's only disharmony reigning. Poison of family draining, far bitter indeed for him to be down on the bosom of company leaning. Remember the time when it all was so fine and the world seemed to gleam with new meaning. With all of the wine and the whiskey of to the women who crowded lovingly around him, with all of the wine and the whiskey a-flowing within him. He was no use to the women who crowded lovingly around him. So grim and bewildering, he finds a long home and a loan for his body to moulder in, and shudders to hear his obituary babbled by children, chilled by their laughter, ha ha, in its endless unfolding. With all of the wine and the whiskey of flowing, flowing within him, he was no use to the women who crowded lovingly around him. With all of the wine and the whiskey of flowing within him, he was no use to the women who crowded lovingly around him. Of a peddler bowl, a peddler bowl that chanced to be. He put his pack all on his back and merrily trudged to Hatherly. He chanced across two troublesome men that chanced to be. The one of them was Paul Robin Hood, and the other one was Little John So Free. Oh, peddler, peddler, what's in thy pack? Come speedily and tell to me. While several suits of the gay green cloth and silken bowstrings to all three. Well, if you several suits of the gay brown cloth and silken bowstrings two or three, then by my body, cries Little John, one half thy pack shall belong with me. Oh, no, no, no, says the peddler bold. Oh, no, no, no, that never can be. For there's never a man in Fair Norton can take one half my pack from me. So the peddler, he took off his pack and set it a little below his knee. saying, if you do, move me one perch from this, my pack and all shall go with you. So little John, he drew his sword, and the peddler by his back did stand. They fought until the blood in streams did flow, till he cried, peddler, pray hold thy hand. Standing by, and he did laugh most heartily. Could find a man as short as scale who could thrash the peddler and also thee. Go you try, master, said little John. Go you try, master, most speedily. Little John, for this night you will know me. So Robin Hood, he drew his sword, and the peddler by his back did stand. They fought until the blood in streams did flow, till he cried, peddler, pray hold thy hand. Swords with friendly words, so merrily they did agree. They went to a tavern and there they dined, and cracked bottles most merrily. Ça commençait comme ça, avec du folk plutôt doux. D'abord, Emmanuel Parrainin, qui nous faisait Maison Rose, tiré de l'album Maison Rose de 1977. Et il y a un lien avec le groupe qui suit, donc Emmanuel Parrainin, qui est d'ailleurs venu jouer au Québec en 1970 avec un collectif qui s'appelait Le Bourdon, à l'époque, dans les régions de la Beauce-Charlevoix et Bois-Franc. Puis elle co-fonde le groupe Mélusine aussi. Puis il y a un lien parce que son mari a joué avec le deuxième groupe qui jouait donc Malicorne, mais c'est début de Malicorne avant que ça soit folk rock. Donc Marion Les Roses, chant de quête sur Malicorne, 1975. Et ce mari s'appelait Phil. Phil quelque chose. Voilà. Je suis certain qu'un de ces jours, je retrouverai son nom. En fait, c'est un peu drôle parce que. Bon, ben, donc, vous voyez à quel point les trucs peuvent disparaître rapidement sur un ordinateur. Hein, comme ça. Comment. Phil Fromont. Voilà. Phil Fromont est revenu. Malicorne, c'est ça qui ont eu plusieurs carrières, si on peut dire. Passé de folk rock à rock progressif, pratiquement. Mais là, on était vraiment dans leur période folk des débuts. Ensuite, on a eu The Young Tradition qui nous faisait What If A Day sur l'album Galleries de 1968. The Young Tradition, qui est un groupe anglais avec Peter Bellamy, Roy Studwood et Heather Wood, qui ont pas tout à fait bien fini. En fait, il y en a un qui est mort dans un accident d'auto, l'autre s'est suicidé. Puis Heather Wood est toujours à New York depuis ce temps-là, mais beaucoup de belle musique par ces gens. Là, on a deux groupes qu'on connaît pas. Pendragon, qui nous faisait de Rhyme sur une compilation qui s'appelle Cornofolkia, A Hidden History of Psychedelic Folk from the British and Emerald Isles, voilà, de 2013. Et The Woods Family, qui nous faisait Highland Lad, aussi sur la même compilation. Mais on trouve pas d'informations sur ces groupes, un peu obscurs. On est passé ensuite à Alasdair Roberts, qui nous faisait Honor Song, sur Alasdair Roberts 2015. Et Alasdair Roberts, qui est un soutien de celui qui suivait, Cunning Folk, qui nous faisait Robin Hood and the Peddler, sur un disque qui s'appelle Constant Companion, de 2018. Alasdair Roberts, c'est une grosse pointure du folk. Où est-ce qu'il est né? Voilà. Parfois, ils ont de jolis. Il vient de Callander, en Écosse. Puis, on le connaît aussi sous le nom de Appendix Out, aussi sur lequel il s'est beaucoup produit. Et qu'est-ce qu'on va avoir au prochain bloc? Ah ben là, c'est de la danse. C'est de la danse, absolument, oui. Toutes sortes de danses, mais pas nécessairement. Mais il y a le mot danse souvent, ou valse, ou quelque chose du genre. Alors, allons-y. Tout ça n'est rien, si on compare d'autres choses, tout ça n'est rien du tout. Pense à ces danses qu'on danse à plusieurs ou pas du tout. Depuis la nuit des temps, c'est fou. La pavane, le cancan, la sardane, le rondeau, le menuet, la bourrée, la farandole, la carmagnole. Rien que les noms nous révèlent leur beauté, rien que les noms tout est dit. C'est surtout beau quand c'est beaucoup de travail, c'est surtout beau quand c'est bien fait, quand personne ne rit. Le quadrille, le sirtaki, l'estampille, la gaillarde, la gavotte, la vendeuse, le branle, la tarentelle. Fou que des hommes aient élaboré ça, entre fous que les hommes sont. C'est vraiment ça que je veux apprendre pour mes gamins. Quand ils seront des hommes, ils sauront danser là. Le quadrille, le sirtaki, l'estampille, la gaillarde, la gavotte, la vendeuse, le branle, la tarentelle, la pavane, le cancan, la sardane, le rondeau, le menuet, la bourrée, la farandole, la carmagnole. Hey! voulais pas danser. Le menu était la polka du croix. S'achève la polka du roi. Loé! Danser Elle femme au devire. Danser, elle femme au devire. Et c'est par danser soi-même qu'on peut seulement connaître. Quoi que ce soit. Il faut s'approcher en dansant. Il faut s'approcher en dansant. Qui n'a pas compris ça ne connaîtra rien de rien. Toutes les fautes viennent de mal danser. Ooh. Madame et Monsieur. Ça continuait comme ça. Alors, des chansons, pas nécessairement si dansantes, mais dans lesquelles il y avait le mot « danse » ou le nom d'une danse en particulier. On commençait par « Danse traditionnelle » de Catherine, le film Philippe Catherine, qui a 50 ans. Ben oui, et qui est un acteur aussi. D'ailleurs, il vient de jouer dans un film, il me semble que j'ai vu quelque chose, ils font de la nage synchronisée. J'ai comme vu un petit bout à la télé. Puis... il est compositeur, interprète, évidemment, acteur, réalisateur, écrivain, tout ça, puis nageur synchronisé maintenant. Puis il a fait plusieurs trucs vraiment très, très intéressants. Une carrière de plusieurs étapes, plusieurs époques, plein de trucs plus modernes à un certain moment pour revenir à la chanson pop, parfois. Beaucoup de choses chez Catherine. Pascal Comlade, valse de la demoiselle aux yeux verts sur El Primitivismo de 87. On vous en a parlé la semaine passée de Pascal Comlade, pianiste et compositeur français, qui joue beaucoup avec des petits instruments jouets, qui fait beaucoup de compositions, qui a travaillé avec un paquet de monde, vraiment beaucoup de monde. J'avais une liste exhaustive. Bon, non, il n'y a pas de liste exhaustive. Ça prendrait plusieurs pages Wikipédia pour avoir une liste exhaustive. C'est moins pire qu'Ennio Morricone, mais il y en a beaucoup. Aksak Maboul nous faisait Lily Dance sur une compilation qui s'appelle Made to Measure Volume 1. Je me souviens pas si c'est avec 11 danses pour combattre la migraine que je les ai connues, mais je pense que oui. Puis 11 danses pour combattre la migraine, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mark Hollander et Vincent Kenis à l'époque, qui étaient accompagnés de qui, voilà, Véronique Vincent, oui, au chant. Puis Mark Hollander faisait les claviers, les saxophones, clarinette, percussion, puis Vincent Kenis guitare, basse, clavier, percussion, et Véronique Vincent chantait. Et c'était vraiment absolument excellent. De toutes les façons possibles. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Robert Cabi nous faisait carder d'esquisses et de croquis. Petite danse sur une compilation Tout Sati de 2015. Alors, c'est un pianiste qui est né en 1905, qui est mort en 92 et qui a été ami d'Éric Satie, alors qu'il était... lui-même était plutôt jeune, parce que Satie est mort quoi en 25 ou quelque chose du genre. Darius Milhaud, Pablo Picasso, Francis Poulenc, etc. Alors, il a composé plein de choses, mais c'est aussi un expert de l'œuvre d'Éric Satie. Qu'est-ce qu'on a eu tout de suite après? Ah, trois valses. Valse numéro 1 de Patrick Portelet et Joseph Racaille, page éternelle de la musique moderne, Les Flots Bleus, pardon, de 1983. À l'époque, la meilleure façon d'écouter ce disque-là, c'était de mettre la face 1, puis quand elle était finie, c'était de mettre la face 2. Puis si on s'est ennuyé, on remettait la face 1. Beaucoup de choses très, très amusantes, dont des chansons sur les nombres. Entre autres, qui était vraiment sympathique. Elsa Popping and her Pixieland Band, c'est André Pop, qui venait de faire de la Polka du Roi sur Delirium et Nifi, de 1957. André Pop, qui avait enregistré la voix à l'envers, en fait, la pièce à l'envers, pour la rejouer à l'endroit aussi. Puis il s'est abusé, c'est un expérimentateur sonore. De toutes sortes de façons. Puis mais il a fait des orchestrations plus classiques pour Jacques Brel ou des frères Jacques, des trucs comme ça. Puis plein d'expérimentations musicales aussi. Ensuite, Suzumu Yokota nous faisait Fairy Dance of Twinkle and Shadow sur l'album Symbol de 2004. Lui nous a quittés en 2015 à 54 ans. Il a fait de la musique qui était considérée comme ambient à une certaine époque, mais il greffait à ça plusieurs styles et toutes sortes de choses. C'est drôle, on dit sa naissance, il est dans 60 ou 61. Ah, fait que il va falloir éclaircir ce mystère. C'est ça. Il a eu une longue carrière de DJ aussi et tout ça, puis on en met quand même assez régulièrement. Pardon, danser par soi-même, orchestre tout puissant, Marcel Duchamp. Sur Sauvage, sur l'album Sauvage Forme de 2018. Ça aussi, on en met quelques fois, des jeunes voix avec André Berthollet, je pense. Où est-il? Voilà. Et puis, ils sont une petite bande comme ça, de Suisse, avec peut-être une Sénégalaise aussi qui font de l'afro trans urban punk. C'est comme ça qu'ils disent dans Libération. Alors, on va les croire. Ça s'appelle pas Libération pour rien. Air à danser. C'était Penguin Café Orchestra sur Penguin Café Orchestra de 81. Eux aussi ont fait beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Ensuite, Reynaldo and the Loaf, Dance for Somnambulist sur The Elbow is Taboo de 1987. Vous savez qu'on les aime. C'est son nom régulièrement. Parce que ils ont ressorti un album récemment quand même, puis les vieux albums étaient vraiment absolument excellents. Et on terminait avec Je veux pas danser. C'est David Allen et Klim Perry. Alors David Allen, évidemment, de Gong, et Klim Perry qui fait de la musique électronique. Et où? Minimaliste, oui. Oui, jouait. Oui, c'est ça, électronique, jouait. Donc, sur une compilation qui s'appelle Veterans of the French Underground Meet La Jeune Garde de 2011. C'était plutôt chouette. David Allen, qui est décédé en 2015, comme ça, mais qui a eu le temps de nous produire cela avant de décéder. Et qu'est-ce qu'on va voir? Le dernier bloc, on s'en va un peu dans le désert, me disait Jean-Philippe, avec Uriah Aishi et toutes sortes de monde après. Oh, man. Thank you. Thank you. ben c'était comme ça que ça se terminait. D'abord avec Impossible Oubli, c'est Ouria Aichi qui nous faisait cette pièce tirée de Chants Mystiques d'Algérie de 2017. Elle a une carrière, bon, en fait, elle était venue étudier la psychologie à Paris dans les années 70. Elle enseigne la sociologie, puis tout à coup, elle s'est mise à se produire sur scène. Puis depuis ce temps-là, ben, elle chante. Elle chante, puis c'est très charmant. Elle a participé à la musique du film Un thé au Sahara. Puis, c'est ça, puis elle aime beaucoup donc, les chants sacrés algériens. Et c'est ce qu'on a entendu. Là, puis elle vient des Chaouis, qui sont des berbères d'Algérie, qui sont le plus grand groupe après les Kabyles. Voilà. Ensuite, Suzanne Dehim et Richard Horowitz nous faisaient God Away sur Made to Measure Volume 8, Desert Equations, Azax Atra. Suzanne Dehim, qui est une Iranienne, qui s'est pas mal promenée dans la vie, puis c'est une activiste. Alors, on peut penser qu'elle se tient pas tant en Iran de ces temps-ci, mais qu'elle se balade. Alors, elle a participé au ballet de Béjar. Dans les années 80, elle est allée vivre à New York. Puis, elle a travaillé avec beaucoup de monde, elle aussi, finalement, quand on regarde ça. Bobby McFerrin, Peter Gabriel, Bill Laswell, Rufus Wainwright, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a eu après? Nouramine Semali nous faisait Tiki Fit sur l'album Tseni de 2014. Nouramine Semali, qui est une griot de Mauritanie et fille de parents qui chantent aussi et qui font de la musique. Puis ça vient de Nouakchott aussi, en Mauritanie. Puis c'était ça aussi très chouette. Régiment, c'était Brian Eno et David Burns sur My Life in the Bush of Ghosts de 81. Il faut en mettre une fois de temps en temps. Peu importe la raison. Parce que c'est vraiment très bon. Ils ont longtemps collaboré, quand même, entre autres au début des Talking Heads. Ils ont même collaboré récemment, me dit Jean-Philippe. Puis ça, c'est un album mythique pour beaucoup de personnes que je connais. D'abord parce que c'est très bon. Et deuxièmement, parce qu'on aime ça. Les filles de Ili Gadad nous faisaient Egas Malan sur l'album Egas Malan. Elle, c'est une drôle d'histoire. Alors, trois Touaregs qui sont passés de la brousse au plus grand festival européen. Je n'ai pas vu dans l'article qui les a découverts, mais depuis qu'elles ont été découvertes, elles se promènent un peu partout dans le monde. Dans des grands festivals, tout ça, puis font des trucs très chouettes. Fatou Sidi Gali, Alamnou Akrouni et Mariana Salah Aswan. Puis maintenant, elles se promènent dans l'avion tout le temps, alors qu'elles-mêmes, lorsqu'elles étaient jeunes, avaient peur des avions et avaient même peur des autos. C'est vraiment... J'aime ce genre d'histoire. C'est ça, il y en a une qui disait lors de son premier voyage en France, en plein hiver, elle est arrivée pieds nus, mais elle savait pas qu'il faisait aussi froid que ça. Ça arrive à quelques Africains aussi qui viennent au Québec, parfois pour venir étudier à l'université, puis ils débarquent, puis ils font comme « Oh, OK, c'est pas la même température qu'il y avait chez nous. » Eh non, ce n'est pas la même. Alors nous, c'est tout pour nous cette semaine. On vous dit... qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Thank you. Thank you.